justice éternelle. Car je marche dans mon intégrité, je me confie en l'Éternel sans chanceler. Je ne m'écarte pas de ta vérité. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Purifie mes reins et mon cœur. Car ta grâce est constamment devant mes yeux. Et je marche dans ta lumière, loin de l'erreur. Je ne m'assieds pas avec les hommes de mensonge. Je ne vais pas avec les hypocrites. Je hais l'assemblée de ceux qui commettent le mal. Je ne m'associe pas aux âmes impies qui s'agitent. Je lave tient sur un terrain.